Zion. Jansi mama, di ma trompe Jansi, di ma trahi Jansi, tel est mon amour de ma. Jansi mama, di ma trompe Jansi, di ma trahi Jansi, tel est mon amour de ma. Oh, papa.